Vas-y, gale, bouge ton corps, retourne-moi la salle et fais monter le score. Lâche alors s'installe et s'éteint encore, leur stop. Vas-y, gale, bouge ton corps, retourne-moi la salle et fais monter le score. Lâche alors s'installe et s'éteint encore, leur stop. Tout ce qu'elle a sur la piste, c'est une vraie leçon que tout le monde assiste quand elle donne. Tout ce qu'elle a sur la piste, on s'aperçoit très vite que rien ne lui résiste. Parce que j'aime quand elle descend, j'aime quand elle descend, j'aime quand elle, j'aime quand elle, j'aime quand elle descend. Oui, j'aime quand elle descend, j'aime quand elle descend, j'aime quand elle, j'aime quand elle, j'aime quand elle. Et elle est sexy, et charmante aussi, elle fait que tous les mecs dans la salle sont indécis. Elle est sexy, mais dangereuse aussi, on a même l'impression que tout lui réussit. Oui, tout le monde, elle ne cesse de la regarder, oui, tout le monde, elle ne cesse d'être impressionnée, oui, tout le monde, elle ne cesse d'être émerveillée par sa beauté dès lors qu'elle se met à danser. Vraiment trop de style, j'avoue que toutes les ladies autour d'elles sont hostiles. Je sens qu'elle arrive même à rendre des badoles dociles. Pendant que vous y trompez pas, c'est pas une femme facile. Elle a un petit air de Rihanna. Ce petit truc, ce je ne sais quoi, je lui ferai bien atteindre le nirvana. Le temps d'une danse entre elle et moi, elle me donne envie de sexe. Elle est excellente, aucun homme ne pourrait rester perplexe. Elle me donne envie de... Elle est excellente, le pire serait vraiment une tâche complexe. C'est sur la fesse, oui, c'est là, que cette musique c'est là. Pas la peine de dire que c'est dur de rivaliser avec elle. C'est la fesse, oui, c'est là, que cette musique c'est là. Pas besoin d'excel, pour elle tout est naturel. Monter le score, lâche alors ça, et c'est encore.